إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سميع يسمع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، رب الأراضين والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أحبتي الكرام، نلتقي في هذه الليلة المباركة لنتكلم عن مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة. Donc, بإذن الله, on se rencontre ce soir pour parler de la compréhension et le sens de la foi chez أهل السنة والجماعة. وحقيقة الإيمان زلت فيه الأقدام. يعني le sens et la compréhension de la foi, les gens se sont égarés et plusieurs sectes sont égarées dans la compréhension de la foi et qu'est-ce que voulait dire la foi chez Al-Sunna al-Jama'a. Dans la langue arabe, la foi, fil l'oral arabia, al-Iman lahu isti'malan. La foi, en langue arabe, on l'utilise pour deux choses. Pour la première des choses, c'est pour la sûreté, la sauvegarde. Mettre quelqu'un en sécurité. D'accord? Comme Allah subhanahu wa ta'ala il a dit dans surah Quraysh, wa amanahum min khawf, et il les a rassurés de la crainte. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala il a dit dans surah Ad-Dukhan, innal muttaqina fi maqamin amin, les pieux seront dans une demeure sûre. وقوله تعالى في سورة يوسف مكين أمين. Tu es dès aujourd'hui près de nous en une position d'autorité et de sûreté, de sécurité. هذا هو المعنى الأول. Donc c'est le premier sens de l'iman, de la foi. En langue arabe. On a un deuxième sens en langue arabe de l'iman. الإيمان وهو la croyance. Donc c'est التصديق. C'est la croyance. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il a dit وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا. Toujours dans surat Yusuf, quand Allah Azza wa Jalla il a dit et tu es pas de ceux qui croient en nous. أي بِمُصَدِّقٍ لَنَا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا, c'est-à-dire بِمُصَدِّقٍ لَنَا. ويقال في العربية يقال آمنت بكذا, c'est-à-dire je crois en cela, آمنت بكذا, أي صدقت به وآمنت به, آمنت بالنبي, يعني je crois au prophète, صدقت بالنبي, je crois en محمد عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى وآمن له لوط, أي صدق له لوط, et لوط a cru en lui. وقوله تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين, أي يصدق بك ويصدق بالمؤمنين. وقوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم, في سورة البقرة, أتطمعون أن يؤمنوا لكم, est-ce que vous espérez que ils vont croire en ce que vous dites. أتطمعون أي يؤمنوا لكم. Ici, il y a le sens de التصديق, c'est-à-dire la croyance. Contrairement au premier sens qu'on a vu dans la langue arabe. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. Est-ce que vous espérez qu'ils croient ici? Le sens de yu'minu, c'est la croyance. Qu'ils croient en ce que vous dites. وَهُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ الْإِيمَانِ وَالتَّصْدِيقِ. Et il y a une différence entre la sécurité, entre la sûreté et la croyance. Et la croyance. قال ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب الإيمان باج 276 il a dit فإن الإيمان مشتق من الأمن. Il a dit la foi est dérivée de la sûreté. D'accord? وقال أيضا فإن كل مخبر عن مشاهد أو غيب يقال له في اللغة صدقت كما يقال له كذبت وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب. Ici, faut souligner que il a min babi ashar fa ashar, il a montré que le sens de at-tasdiq wa at-takdhib, on l'utilise pour quelque chose qu'on voit ou quelque chose que on n'a pas vu, c'est-à-dire quelque chose que on a eu la nouvelle d'une chose que on n'a pas vu. Donc ici on dit oui tu dis vrai ou on dit tu mens. Il dit Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, mais il dit quand à la fois on l'utilise que pour des choses qui sont invisibles. Quant à la foi, on l'utilise que pour des choses qui sont invisibles. C'est-à-dire, al-iman billah, al-iman bil malaika, al-iman bil yawm al-akhir. D'accord? Et on sait que la foi, la foi, elle est dans le cœur. Les actes, les dires, hein, c'est des choses, c'est des signes. C'est des signes hein, qui montrent qu'il y a la foi. Ici, il n'y a pas les actes, les dire, donc il n'y a pas derrière, il n'y a pas la foi. Amma at-ta'rif, donc ce qu'on a vu ici, jusqu'à présent, c'est la définition de la foi dans la langue arabe. Maintenant, on va passer fi al-istilah. On va regarder dans la législation, dans l'islam, le sens de la foi qui l'iman. قال البخاري رحمة الله عليه هو قول وفعل. Il a dit la foi dans la législation en jurisprudence هو قول وفعل. C'est des dires et des actes. هذا في فتح الباري. وفي رواية أخرى هو قول وعمل. D'accord. Dans une autre rivière, il dit وهو قول وعمل. وقال أيضا رحمه الله لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا منهم مختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. Donc البخاري toujours comme ça a été rapporté par Al-Alikai rahmatullah alayhi, il dit j'ai rencontré plus de 1000 personnes parmi les savants des villes. J'ai pas trouvé une seule personne qui a divergé sur le fait que la foi est un groupement, est un regroupement, est un ensemble de dires et d'actes. Et que elle augmente et elle diminue. هذا قول البخاري رحمه الله عليه. Donc ici, il te montre que la foi, elle augmente. Et la foi, elle diminue. Et on verra les preuves bien là que la foi, elle augmente et elle diminue. وقال الشافعي رحمة الله عليه وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وممن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية لا يجزي واحد من ثلاث إلا بالآخر. إيه الشافعي رحمة الله عليه dans son livre كتاب الأم et aussi ça a été rapporté par Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi dans Majmou' al-Fatawa. Il dit il y a un consensus de Sahaba et de Tabi'in et de ceux qui sont venus après que nous avons rencontré. Il disait que la foi regroupe les paroles et les actes et l'intention. Et aucune de ces trois choses n'est acceptée sans les deux autres. Aucune de ces trois choses, c'est-à-dire la parole, l'acte et l'intention, n'est acceptée sans les deux autres. وقال ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب الإيمان وكان ممن مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل العمل من الإيمان والإيمان من العمل. Donc dans son livre, الإيمان, كتاب الإيمان, ابن تيمية رحمة الله عليه il dit, et il y avait auparavant, avant nous, parmi les salafs, on ne distinguait pas, on ne faisait pas la distinction entre la foi et les actes. La foi, les actes, pardon, les actes font partie de la foi et la foi fait partie des actes. Ça, c'est dans son livre Kitab al-Iman. وقال أيضا رحمه الله وقد مال إلى هذا المذهب أبو عبد الله وهذا قول مالك بن أنس إمام دار الهجرة ومعظم أئمة السلف. Il a dit aussi وقد مال إلى هذا المذهب. Et ils se sont penchés vers cette école. Abu Abdillah, وَهَذَا قَوْلْ مَالِكْ aussi, et la plupart des grands imams de Al-Salaf. وَقَالَ أَيْضًا فِي كِتَابِهِ الْإِمَامِ الْإِمَانِ الْكَبِيرِ وَأَمَّ سَائِرُ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الرَّأِيِ وَالْآثَارِ بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَالشَّامِ وَمِصْرِ منهم مالك بن أنس والليث بن زاد وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن سلام وداود بن علي والطبري ومن سلك سبيلهم فقالوا الإيمان قول وعمل أي قول باللسان وهو الإقرار والاعتقاد بالقلب وهو عمل الجوارح مع الإخلاص بالنية الصادقة. Donc ici dans son livre Kitab al-Iman il dit que c'est la parole de qui? De Malik ibn Anas, de Al-Layth ibn Sa'd, de Sufyan Thawri, Al-Awza'i, Al-Shafi'i, Ahmed ibn Hanbal, et un ensemble de grands savants et de tabi'in. Et ils disent tous que la foi est un ensemble de paroles et d'actes. C'est-à-dire la parole de la langue, et l'iqrar, ce qui veut dire sa reconnaissance, wa atiqadun bil qalb, c'est-à-dire que c'est une croyance avec le cœur, wa amalun bil jawarih, et un acte avec les organes du corps, mais al-ikhlas bin niyyat al-sadiqa, avec l'intention sincère et véridique. وقال ايضا ابن تيميه رحمه الله عليه ومن هذا الباب اقوال السلف وائمه السنه في تفسير الايمان فتاره يقولون هو قول وعمل وتاره يقولون هو قول وعمل ونيه وتارة يقولون هو قول وعمل ونية واتباع السنة وتارة يقولون قول باللسان اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وكل هذا صحيح وكل هذا صحيح. Ensuite il dit, et à partir de cela, le dire des savants, des salafs, les grands imams de la sunna, pour expliquer le sens de la foi, des fois ils disent que c'est un ensemble de paroles et d'actes. Des fois ils disent que c'est un ensemble de paroles et d'actes et d'intentions. Et des fois ils disent que c'est un ensemble de paroles et d'actes et d'intentions avec le suivi de la sunna. Et des fois ils disent que c'est la parole de la langue et la croyance du cœur et les actions des organes du corps. Et tout ceci est vrai. Et tout ceci est vrai. عندما نقول أنه اعتقاد بالقلب, quand on dit que c'est une croyance du cœur, quelque part on fait sortir les actes du cœur. Et bien là on verra les actes du cœur, et comme il dit l'imam Ahmed, التوكل عمل القلب. Il dit que التوكل, yani la mise en, le fait de mettre sa confiance en Allah est un acte du cœur. Est un acte du cœur. On verra la différence entre les dires du cœur et les actes du cœur. وقال ابن القيم رحمة الله عليه وها هنا أصل آخر وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل والقول قسمان قول القلب وهو الاعتقاد يعني التصديق وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام يعني الشهادة شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل قسمان عمل القلب وهو النية والإخلاص والخوف والرجاء والرهبة والرغبة والتوكل والإنابة إلى آخره، وعمل الجوارح، فإذا زالت هذه الأربع زال الإيمان، زال الإيمان. Ensuite, Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi, dans son livre Kitab As-Salah, page 26, il dit: Waha huna aslun akhar. Et ici, on a un autre sens. Wahua anna haqiqat iman, c'est que la réalité de la foi est composée de paroles et d'actes. Et la parole est divisée en deux. La parole du cœur, c'est-à-dire sa croyance, et la parole de la langue. C'est le fait de parler avec la langue et dire ash-shahada, dire le double témoignage. Et les actes, elles se divisent en deux. Les actes du cœur et c'est l'intention, la sincérité, la peur, l'espérance, raja, l'inaba, la soumission. Donc, ça c'est les actes du cœur. C'est-à-dire que c'est des al-mahabba, hubbullah, hubbur rasul alayhi sallam. Donc, c'est les actes du cœur, c'est des choses qui te poussent à faire des choses. C'est des adorations, c'est des adorations du cœur qui te poussent à œuvrer avec ton corps. هذا هو قول عمل عمل القلب, c'est-à-dire les actes du cœur. Tandis que les dires du cœur, c'est les croyances seulement. C'est les croyances. Tu crois au jour dernier, tu crois au châtiment de la tombe, tu crois aux livres, tu crois aux anges, c'est des croyances. Tandis que les paroles du cœur, c'est des choses auxquelles tu crois, mais qui te poussent à œuvrer. Qui te poussent à œuvrer. C'est-à-dire à tawakkulu ala Allah. Tu ne peux pas dire oui, je crois au fait de mettre ma confiance en Allah. Donc obligé, il faut que tu œuvres. اعقلها وتوكل على الله اتشلا اي remets ta confiance en Allah. Donc obligé, il faut des actions, il faut œuvrer. Ça c'est pour les actes du cœur. وعمل الجوارح فاذا زالت هذه الاربع زال الايمان. Et quatrièmement, on a les actes. On a les actes du cœur, c'est-à-dire que on a les actes du corps. Les actes du corps, c'est-à-dire que les actions. Il dit ensuite Ibn Qayyim rahmatullah alayhi, fait très attention à Abdallah, il dit fa idha zalat hadhihi al-arba' zala al-iman. Tu dis si ces quatre choses viennent à disparaître, la foi disparaît. La foi disparaît. Donc pour avoir la foi, il faut avoir ces choses-là. Il faut avoir ces choses-là. C'est tout ce qu'on a cité. وقال ابن تيمية رحمة الله عليه والمقصود هنا أن من قال من السلف الإيمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. Ici très très très important. Dans son livre كتاب الإيمان وهذا رد على المرجئة في كتابه الإيمان page 164 قال ابن تيمية رحمة الله عليه والمقصود هنا ici et la finalité ici de la parole des salafs, c'est que la foi est un ensemble de paroles et d'actes. Et par ceci, ils ont voulu dire la parole du cœur et de la langue et les actes du cœur et du corps. Je répète, c'est très très très important. Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, il a dit والمقصود et la finalité des dires des salafs sur la foi, sur le sens de la foi, sur la définition de la foi, c'est que c'est des actes et des paroles. D'accord? C'est des paroles et des actes. Ils ont voulu dire la parole du cœur et la parole de la langue. Et les actes du cœur et les actes du corps. Mais faut Hadafi معنى الإيمان والإيمان عند أهل السنة والجماعة. وقد ذهب عامة أهل السنة إلى أن الإيمان هو الاعتقاد والقول والعمل كما قال محمد بن إسماعيل بن محمد الأصبهاني إلى جي والإيمان في لسان الشرع هو تصديق بالقلب وعمل بالأركان. كم يجي الأصبهان. وقال الإمام البغوي: اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان، وقالوا إن الإيمان قول وعمل وعقيدة. ici on a la parole de Al-Baghawi. Il a dit les Sahaba se sont mis d'accord, ainsi que At-Tabi'un et ceux que et les gens qui les ont suivis. Min ulama sunna, parmi les gens de science de la sunna, parmi les savants de la sunna, que les actes font partie de la foi. Que les actes font partie de la foi. وقالوا, et ils ont dit que l'iman qawlun wa amun wa aqida. Ils ont dit que la foi se compose de paroles, d'actes et de dogmes, aqida. وقال حافظ ابن عبد البر أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل ولا عمل إلا بنية إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيمان. ici on a la parole d'Abu Hanifa. Abu Hanifa, on sait que c'était un morgé. Oui, Abu Hanifa, c'était un morgé. Il était morgé. Comme ça a été rapporté par في كتاب النحل والملل للشهر الثاني. On sait que Abu Hanifa était morgé dans مسمى الإيمان. وقال الإمام الشافعي في كتاب الأم: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركنا أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من ثلاث عن الآخر. يوسي الشافعي il rapporte que la foi c'était des actes, des jikh avec l'intention. Ici, il fait allusion à quoi? Hadith Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam, innama al-amalu bin niyat wa innama li kulli imri'in ma nawa. Certes, les actions ne sont valides que avec l'intention, c'est-à-dire la bonne intention. وهنا لا فرق بين قولهم. Il n'y a pas de différence entre tout ce qu'on a vu, tous les dires, comme le dire de Baghawi, comme le dire de Shafi'i, rahmatullahi alayh, le dire de Ibn Qayyim, de Ibn Taymiyyah, tout ce qu'on a vu. Il n'y a pas de différence. لأن الإيمان قول وعمل أي قول وعمل ونية أو قول وعمل واعتقاد فكل ذلك من باب اختلاف تنوع دونك فمن قال من السلف أن الإيمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان quand ils ont dit الإيمان قول وعمل quand ils ont dit que la foi était un ensemble de paroles et d'actes ils ont voulu dire la parole du cœur et de la langue et quand ils ont dit l'acte c'est-à-dire l'acte du cœur et du corps. En fait, ils ont fait un résumé, ils ont dit l'iman, c'est un ensemble d'actes, de dire et d'actes. C'est un ensemble d'actes et de dire. ومن زاد الاعتقاد, celui qui a rajouté l'i'tiqad, ra'a lafd al-qawl la yufham. Celui qui a rajouté l'i'tiqad, yani la croyance, il a estimé que la parole de qawl, le dire, n'était pas suffisant. D'accord, on n'était pas suffisant, donc il a rajouté فزاد الاعتقاد, il a rajouté la croyance du cœur. ومن قال قول وعمل ونية, et celui qui a dit que c'était un ensemble de paroles, d'actes et d'intentions, قال القول يتناول الاعتقاد, قول القلب وقول اللسان, وأما العمل فقد لا يفهم منه النية, عمل القلب. Ici quand on a dit النية, il a rajouté عمل القلب. Celui qui a dit qawlun wa amalun wa niyya, celui qui dit que c'est un ensemble de paroles, d'actes et d'intentions, et l'intention, il a voulu dire par là l'acte du cœur. L'acte du cœur. Wa khulasa, par rapport à tout ce qu'on a vu, en résumé, l'iman shara'i, il est composé de paroles, d'actes, d'accord? Wa al-qawl, et la parole, elle se divise en deux. La parole de la langue et la parole du cœur. Et les actes du cœur et les actes du corps. Mefhoum? Naktafi bi hadha al-qadr fi ma'na mefhoum al-iman. Inda ahl sunna wa jama'a. Et on verra, bi'idhnillah, dans un prochain cours, que la foi, elle augmente et elle diminue. Et on verra l'égarement des Murji'a fi mafhoum al-iman wa musamma al-iman. Est-ce qu'on peut dire je suis croyant, inshallah? On verra. On verra aussi. On verra que la foi elle augmente, elle diminue. On verra les catégories de la foi. Mujibat l'iman, mustahabbat l'iman, arkan l'iman. Bidnillah, naktafi bi'al al-qadr. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.